Bonsoir. En manchette ce soir, on parle des politiques d'Israël. Et là, je parle pas du gars qui est pas là en ce moment. Je parle bien du pays. On va aussi parler de cuisine serbe et de bière jurassique. Des fois, on a des invités, puis d'autres fois, on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Israel dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Ici Jean Perron, si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Quand même, faut pas oublier M. Perron qui est à 70% aussi spécialiste de cinéma, de musique, de jeux vidéo, de bande dessinée, de comic book. En pas juste de sport. Pas juste. Toutes les choses qui comptent. C'est ça. On est Diète Fora Studio, Benoît Mercier, puis Bruno, le Corbinator Corbin. Atteint toute attitude partout, c'est général. Partout. Il n'y a rien à faire, on va être condamné avec ça. Trame sonore background, c'est Axelé, c'est un shooter au Super NES. C'est intense, hein? Ah, ça c'était hot. Il y avait un monstre de lave à un moment donné. Ça m'a inspiré mon secondaire 3 d'un bout à l'autre. Sinon, ben moi aujourd'hui, j'ai un petit texte sur Dominique et Martin. J'ai aussi American Cyborg qui a été voté au douteux.org. Et puis, pour commencer, on va faire un petit montage ici de toutes les annonces de Au Bon Marché que moi j'ai. Il y en a quand même plusieurs, vous allez voir, ça va être fabuleux. On va tout passer au travers de ces annonces-là. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont dues à monsieur ici, Étienne Forêt. Là, tu m'en avais donné plusieurs pour mon anniversaire de jadis. Tu vois? Ça a été bien apprécié. The gift that keeps on giving. Fait qu'on écoute ça au bon marché. On est content puis on vous revient à 70%. Oui, papa! Quand quelqu'un vient chez vous, il dit « Oh, c'est beau! Où l'avez-vous acheté? » Steven, est-ce qu'on a assez de munitions? Oui, papa, l'entrepôt est rempli à craquer. Le plus grand choix de stores verticaux et vénitiens que nous fabriquons sur place en n'importe quelle grandeur pendant que vous attendez. On est tenu de se faire imiter. Aidez-nous à écraser la compétition et vous serez les gagnants. En sort les gros canons, Littery, Edredon, Coverly, Rideau, Access for the Sullivan. Papa garantit de battre n'importe quel prix. Venez nous aider à gagner la guerre. Au Bon Marché, 3500 Boulevard Saint-Joseph S. Oui, papa! Avez-vous jamais pensé pourquoi Au Bon Marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toile et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literie et accessoires de table de bain. Toujours au plus bas prix. Venez au Bon Marché. Oui, papa! Après ça, on est encore à... Excuse-moi. Une seule envie, la qualité à bon prix. Au Bon Marché. C'est ça, elle fait profitez vraiment... dès maintenant de réductions importantes. Je disais que c'était ma préférée, ça. Le visuel qui collait à l'audio, c'est malade. Ouais. On vous attend. On vous attend. Oui, papa. Oui. Sensuel. C'est Blue Nui. Qui revient. Donc, on est passé au travail de la collection complète. J'aimerais féliciter, bien sûr, tous ceux qui sont présents. Et puis, repartir de la petite trame sonore, Lou. Ça va être super sympathique. C'est qui commence? Moi, je dis qu'une petite nouvelle, ça se tarde très bien. Bruno. OK, c'est bon, je vais y aller. Alors, on va y aller tout de suite avec un petit peu d'art. La dernière création de Mark Quinn est une statue en or de celle qu'il appelle l'Aphrodite des temps modernes, c'est-à-dire Kate Moss. La statue qui a coûté 1,5 million de dollars à faire, dont 1 million pour l'or, est la plus massive statue d'or depuis l'époque des pharaons, au poids de 50 kg, c'est-à-dire environ autant que son sujet. Sinon, peut-être un peu plus. Oui, plus. C'est bon, ça. Un autre? Ben oui. OK, Bill Tear s'est fait voler sa citrouille de compétition de 450 livres. Tear croit qu'un groupe d'adolescents a réussi à passer pendant la nuit et à faire rouler la citrouille dedans leur camion remorque. La récompense est de 200$ pour quiconque la retrouve. Ce n'est pas la première attaque contre la citrouille, explique Don Simmons, un voisin qui a contribué à la moitié de la récompense. Il y a un an ou deux, quelqu'un l'a frappé avec un marteau, laissant des trous dedans. Oh, non, c'est pas correct. Souvent la citrouille. Ah, ouais. Oh, ben, les petits jeunes malfrats qui n'avaient rien de bon à faire de leur journée. Oui. À part peut-être une grosse tarte à citrouille. Ah, ben, ouais, ou plusieurs. Un rave dans la citrouille. Mais c'est quoi, c'est qu'elle dure pour toujours, sa citrouille? Ou? Ben, je sais pas. C'est peut-être. Je sais pas. C'est pas saisonnier, une citrouille? Ben, ça devait être ça de l'année passée. Peut-être qu'il la garde. Ouais. Qu'il la garde en vie, c'est il ça. Il l'a réduite comme les têtes, là. Ouais, il peut-être. L'a fait sécher. Il la garde en vie artificiellement, c'est bon, ça. Sur le respirateur à citrouille. Elle va passer. Bon, hey, est-ce que je me pitche dans le film tout de suite? On va-tu être bon avec ça? Oh, bon. Après ça, on va parler d'Yodel un petit peu. Là. Okay. Mais là, pour l'instant, c'est American Cyborg. American Cyborg, c'est un film, un long métrage. Ça vient de quelque part entre 1990 et 2000. Ça l'empêche pas, cependant, d'être un post-apocalyptique. On ne s'empêche pas d'avoir besoin de femmes fertiles. On est encore dans la trail qu'on connaît. C'est un petit peu le même langage. Hein. C'est comme le christianisme et puis le bouddhaïsme. Là, puis toutes les autres. c'est toute la même source. Là. C'est un petit peu la même histoire, racontée autrement. Mais ici, ben, c'est Boaz Davidson, en 1993, finalement. 14 ans avant que le même gars accepte de produire Rambo 4. Le très décevant Rambo 4, qui flotte plutôt autour du plus 5 que du moins 6 à se compter. Bon. En tant que réalisateur, le très palestinien de l'Israël Tel Aviv, Boaz Davidson s'est attaqué à des projets comme Solar Force, un des rares douteux de Michael Paris s'éloignant assez du zéro pour que j'en parle. Et puis, ainsi que le film de ce soir, c'est-à-dire American Cyborg Steel Warrior. Ou American Cyborg, le guerrier d'acier. American Cyborg, t'as pas besoin de le traduire. Mm-hmm. C'est translaté, qu'on dit. Ouais, voilà. Sinon, le dernier des Mohicans contre le Terminator, c'est la petite phrase catchy. Arc. Ou le film qui a pogné l'année passée face au film qui pogne cette année. Ben, ça, c'est bon, ça. Joe Lara, quant à lui, est un tas de cheveux saveur latino, habitué à des soirées comme la nôtre. Armstrong, l'homme hologramme, Warhead, Equinox, Doomsdayer, Opération Delta Force, Deep Fault. Vous allez pas me craindre, mais c'est pas super bon, ça. Mm-hmm. Non? Death Game. C'est l'histoire d'un jeu de la mort. C'est un gars, il se fait peur. Non, pour vrai. C'est nouveau comme concept. En tout cas, plusieurs amateurs du domaine, donc, considèrent Joe Lara comme un génie de l'anti-génie. Vous allez pouvoir ce soir le savourer comme un casse-gueule pour les yeux, une friandise aux saveurs fécales toujours plus questionnables que celle d'avant. Dans le film de ce soir, il est un cyborg. Oh! Ouais. Mais on va l'apprendre seulement vers la fin pour créer un conflit moral vacué et donner un semblant d'humanité à un personnage qui aurait pu autrement être n'importe quel gars irascible auquel on a greffé un trench coat que vous avez vu dans n'importe quel autre film. Je le vois déjà. Ouais, puis il va faire « Non! » Donc, en attendant, faites comme si je vous avais pas dit que c'est un cyborg, parce qu'il faudrait pas mettre M. Larome à la l'aise, puis tu sais, on veut avoir une de ses bonnes performances. Parce qu'on veut se demander tout le long du film, c'est qui le American Cyborg? C'est surtout pas écrit dans le titre. Le guerrier d'acier. Qui est le American Cyborg, le guerrier d'acier? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le prologue du film. Il nous explique assez bien que s'est passé la guerre mondiale nucléaire. Année 17 après la guerre atomique. Ah, ben ouais. Tous les survivants humains sont entassés dans des villes, contrôlés comme des prisons par un système informatique pourvu d'une intelligence artificielle. Skynet. Non, c'est le système. Plutôt que d'éliminer les survivants devenus stériles, le système les laisse dépérir jusqu'à leur extinction. Les créatures cybernétiques conçues autrefois pour assister les humains travaillent maintenant pour le système en tant que gardiens de l'ordre nouveau. pense qu'on a un petit peu pas mal tout compris. Ce que vous voyez un petit peu pas, mais que vous pouvez pas deviner, contrairement aux gestes de bras, de motivation, de « oui, papa » dans les annonces du bon marché que vous imaginez, c'est que le cyborg ici est moustachu. C'est quand même particulier. Moi, je me rappelle pas d'un deuxième cyborg moustachu dans ma vie. C'est correct. Hein? Il a le droit d'être moustachu s'il veut. Pour l'instant, on va aller voir la femme fertile et le fœtus de bébé. Parce qu'on est où? Dans un post-apocalyptique. Qu'est-ce qu'on manque dans un post-apocalyptique? De femme fertile. Voilà. Donc, l'histoire retourne autour du vecteur que qu'est la femme fertile qui possède les ovules, les derniers fœtus. Sauvée d'espèce. L'humanité stérile. Comment te sens-tu? Je suis émue, Ben, mais en même temps un peu nerveuse. Ça n'a rien d'une sortie d'agrément. Cela fait des mois que c'est prévu. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas le porter, mais c'est quand même mon bébé. L'élever ici, c'est le condamner à mort. Peut-être qu'un jour, nous vaincrons le système. Mais pour l'instant, l'endroit le plus sûr pour vous deux, c'est l'Europe. Tu es la seule source d'ovules que nous ayons. Et pour autant que je sache, c'est le seul fœtus vivant sur cette planète pourrie. Tout notre avenir repose sur lui. Détends-toi maintenant, c'est l'heure d'alimenter ton bébé. Donc, je pense qu'un petit peu tout le monde a compris ici la dynamique. La femme fertile a des ovules. Elle est donc condamnée à porter le bébé, à l'amener en Europe, parce qu'en Europe, c'est la seule place où je n'aurais... OK. En tout cas, c'est là que ça se passe pas, en tout cas. C'est ça. Le système est comme moins fort là-bas. Mmh. On va peser play ici pour aller voir un petit dernier deux minutes, hein, parce qu'on va comprendre sa mission. On l'a pas trop entendu parler, l'ampleur de la conséquence. On va voir. C'est un très bon bout, là. Il s'équipe pour ça, aux équipements. Ça ira? Prête. Elle est prête. Bien, c'est le moment de synchroniser vos montres. Nous avons exactement 36 heures pour traverser la ville et atteindre le pont. Je vous rappelle que le fœtus ne peut survivre que dans sa capsule temporaire. La matrice artificielle européenne est à bord du bateau. Si le fœtus y arrive avant l'heure limite, il se développera sans risque jusqu'au bout. Jusque-là, Marie devra l'alimenter régulièrement. Marie, tout le monde connaît l'itinéraire. J'ai prévu un trajet qui évite de traverser la zone dangereuse. Ces trois secteurs-là ne sont pas sûrs non plus. Durant le couvre-feu, demain, nous emprunterons le réseau souterrain. J'ai aussi repéré un itinéraire de secours dans le cas de difficultés imprévues. Comme une patrouille de cyborg. Oui, ou n'importe quel autre problème. Distribuer les comprimés d'azote. Ou quelque chose d'autre. C'est selon. N'oubliez pas que ces agents bloquants ne sont efficaces que contre la radioactivité. L'idéal serait donc d'éviter toute substance contaminée. Docteur Buckley. Qu'y a-t-il? Venez voir, c'est curieux. Faire attention. Buckley, c'est le nom d'un sirop, en passant. Qu'est-ce que ça peut bien être? On dirait qu'on essaie de pénétrer les données de nos fichiers secrets. C'est le système. Oh, lui seul est capable de faire. Il s'est probablement branché sur notre modèle. Et s'il nous repère... Et voilà, chose faite. Le système vient de repérer. On envoie le cyborg moustachu faire le ménage. Tout le monde commence à décéder. Ah, de voir, en tout cas. Ça se bouscule aux portes du paradis. On va essayer de repartir la petite trame sonore. On va laisser le cyborg faire le ménage du laboratoire et puis revenir un petit peu plus tard. Étienne Forêt? Oui. Chroniqueur, musique spécialiste, champion international de poussage de barbe aussi. Hein, ça oui, va en même temps. Et de cheveux. Un gars qui se garde occupé, ben oui. Oh, tout le temps. C'est un grand hobby chez moi. Fait que spécial allemand. Oui, aujourd'hui, c'est le début de l'Oktoberfest. En fait, ça a commencé au début d'octobre, donc c'est le premier lundi. Je peux en parler. C'est officiel. J'ai décidé d'y aller là, du côté allemand aujourd'hui pour fêter ça. Donc, qui dit allemand dit bien sûr... Polka. Alors, la plus connue d'entre toutes est sans contredit celle-ci. Ah, c'est sûr que t'es heureux. c'est fort, hein. Pas le choix. Je me sens plus sous. Tout de suite, hein. Juste en... déjà. C'est fort. C'est très fort. Et puis, il y a eu plusieurs versions, évidemment, de cette chanson-là, qui est le Beer Barrel Polka. J'en ai une version ici de Klaus Wunderlich qui joue de l'orgue. C'est toujours beau à l'orgue. Sacré Klaus. Oh, man. Ça a de la Klaus. J'ai un sourire, je peux pas m'en empêcher. C'est sûr. Également, si vous êtes en vacances dans les tropiques, vous avez quand même le droit de fêter l'Oktoberfest avec une version steel drum. C'est beau, n'est-ce pas? C'est de la polka sur la plage. Mais ici, plus près de nous, au Québec, nous ne sommes pas en reste, car notre ami Guy Boucher, qui autrefois animait, co-animait en fait avec Sœur Angèle, la fameuse Fourchette d'or, a fait sa propre version de ça. Oh. Regardez bien ça. Oh, yeah, yeah. Ça s'appelle La La La Polka. Moi, je connais près d'ici. Ah, il a inventé des paroles. Oh oui, c'est des vraies paroles. Parce que c'est un chanteur, fait qu'il faut bien qu'il fasse quelque chose. C'est la vrai. C'est... la prison aussi, parce qu'il avait tripoté des personnes qui étaient pas en âge. Oui, c'est vrai. C'est beau, hein? Fait qu'évidemment, l'Oktoberfest, c'est le bon temps pour écouter des polkas à n'en plus finir, puis tout en buvant de la bière dans des bocs avec des petits couvercles, avec des salopettes avec la poitrine qui monte trop haute, puis les filles avec des tresses. Mais qui dit Oktoberfest dit également yodel, évidemment. Alors, vous connaissez déjà mon penchant pour le yodel? Oui. Alors, question de lier les deux. Ici, j'ai une polka avec du yodel dedans, et c'est en allemand. Ah, c'est paisible. On les voit tout de suite dans un cadre champêtre, déambuler dans des collines verdoyantes avec des marguerites. Avec des sourires à mettre mal à l'aise. Ouais. Ah, c'est beau, n'est-ce pas? On en oublie presque que c'est déjà un pays fasciste. C'est vrai, hein? Et ils se font bien pardonner depuis ce temps-là. Et donc ça s'appelle Bayerisch Polka Yodel, donc ce qui signifie la polka yodel de la Bavière. Je pensais que c'était la polka du Troisième Reich. Non. Israël Trudel-Denis. Eh oui, qui arrive soudainement. Ouais. Comme un cheveu sur la barche. Je suis un petit peu à côté, c'est pas la même. Comme un cheveu dans la soucroute et la saucisse. Et voilà. Donc évidemment, du yodel, il y en a en masse. Ici, on peut switcher tout de suite à un autre. I am a yodeling girl. Oh, c'est des moi, j'adore le yodel. J'ai un penchant pour celle-là. Elle est bonne, celle-là, hein? Ouais. Manon Chose, là, elle a repris celle-là, hein? Elle a pas repris celle-là, mais non. Elle en a fait plusieurs. Puis justement, je sais que Tommy adore Manon Bédard. Puis là, on parle du yodel. Écoute, j'ai pas le droit de pas en mettre, mais je me suis dit, je vais apporter quelque chose quand même de plus original, parce que Manon Bédard est capable de produire des choses originales. Ma préférée d'elle, c'est la toune Yodeling, qui est en fait une espèce de rap dance yodel. Oh, man. Oh. Ça groove. Oh, non. C'est bien ça. Ah, c'est aussi bon que la petite grenouille Dance Mix. Oui, ça, c'est dans la même veine. J'adore le beat. C'est dans la veine qu'on s'ouvre dans le bain. Ouais. Ouais. Ouais, mais je l'avais déjà fait jouer ici, ça, je pense. Ah, sûrement. Écoute, ouais. Ça a déjà été un succès de l'été, ça, en 1998. Non, c'est pas vrai, tu mens. C'est mieux connaître son monde, hein? Faut pas dire non à l'information, faut l'accepter, passer au travers. Exactement, c'est comme ça. Ça a déjà été populaire. Donc ça, évidemment, c'est... on a parlé Allemagne, on parle un peu du Québec, mais nos amis du Sud, les Américains, qui l'ont l'affaire, sont capables, eux aussi, de faire de la polka et de l'américaniser un peu. Donc, ils sont capables aussi de faire de la merde. Oui, aussi. Ils sont capables de faire beaucoup de différentes affaires, mais de la polka. Alors, si on veut américaniser une polka, qu'est-ce qu'on fait? On la fait jouer au banjo. Ouais, voilà. Ça sonne américain. Ah oui? Tout de suite, on voit du monde qui fête dans une grange qui fornique dans le foin. Entre cousins. C'est ça, entre consanguins. C'est comme ça qu'on a créé beaucoup de villages dans l'Arkansas. On a rendu des socialistes. 70% on touche à tout. Un petit peu à tout, pas beaucoup. 70% de tout. Est-ce qu'on va écouter une bonne toune? Une bonne? C'était fou. Bon, on va mettre les Datsuns, puis on va revenir après pour Israël. Va dire bonjour. Ben oui. Hey, merci beaucoup, Étienne. Tu t'en restes d'autres, là? Ah oui, j'en ai d'autres. Bon, ben ça, on va revenir pour d'autres tunes allemandes un peu plus tard. C'est bon. Ou à saveur, mettons. Ou inspirées de l'Allemagne. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est Harmonic Generator des Datsuns. C'est pas pire, ça. Ouais. Je voudrais tout d'abord remercier les 25 caractères de ma dactylo. Coudon, y en a-tu bien 25? J'en aurais pas oublié un quelque part. Oups, la tête me tourne un petit brin, moi, là. Coudon, un 5 piastres, c'est toujours bleu? Ça a l'air que oui. Non, mais vont-ils être gros, les 100 piastres en métal? Ça a l'air qu'ils vont être aussi gros qu'un 10 cents. J'espère qu'ils vont être bruns. Comment ça? Ouais, celle-là, c'est une subtile. Ouais, celle-là est encore plus subtile. Bon, ça, je pourrais bien me mettre dans le nez. Bon, je passe mon rouleau en tapis. Une petite ligne de tôle, peut-être. Ça fait 20 ans que j'ai mis 20$ dans mon portefeuille. Ils ont pas encore eu de petits. Pourtant, couché côte à côte, pour moi, il pèse de la gueule. Quoi donc, je peux-tu t'aider? À quoi? À le trouver. Où ça? Dans le fond de la sacoche. Qu'est-ce? À le Tampax. Bonjour tout le monde. Petrotte, les deux gants partent. Une dernière. Non, on sait tout comment c'est une femme, hein? Oui, on le sait. C'est vrai. C'est drôle parce que c'est vrai. J'avais pas vu venir celle-là. Tranquillement, on a de moins en moins de poids de facilité. Qu'est-ce qui se passe? De moins en moins d'auditeurs également. Ouais, ils sont habitués, eux autres. Mais c'est qui Madness Ring? Pourquoi il fait ça? Oui, c'est une bonne question. En tout cas, faudrait l'inviter ici. Dedans son top de ses amis à MySpace, il y a Meux. Puis Meux, ça, c'est un groupe de Rouen qui faisait du noise. De Pressac, en fait, en Abitibi. Ooh. Qui faisait du noise, puis le drummer, il jouait avec des chaudrons, genre, là. Puis ah, c'est pas vrai, tu sais, oui, ça, c'était une toune, genre, là. Il y a aussi ceux qui écoutent Collective Soul sont gays, puis. C'est toi. Ils ont juste sorti une VHS Meux. Fait que là tu parles de Meux qui est un groupe de Pressac qui sur MySpace a mis avec Madness Ring. Ouais, c'est connais-tu du monde de Meux? Ouais, je l'ai rencontré une fois, le gars de Meux, en fait, de Pressac. Hey, hein. Ils ont juste sorti un VHS, trois copies. Bon, ben. Ça, on a-tu une piste? On pourrait demander à Madness Ring. Ben, moi, je connais un gars qui connaît le gars de Meux de Pressac. Meux, M-E-U-H, c'est comme Meux. C'est ce qu'il y a. Fait que, ouais, je tape la trille et on invite Madness Ring bientôt. Hey, ah oui, avoir des réponses. Hein, on va avoir des réponses. Ou tu vas avoir plus de questions. Questions. Ça finit tout le temps demain. Bruno, tu voulais nous parler d'un band? Tu voulais faire une nouvelle? Ah, ben, je vais faire une nouvelle avant. Cool. Je vais parler de Lubomir Erovic. Lubomir Erovic, qui est un chef serbe. Comment est-ce qu'il va? Il va très bien. Il vient de publier un livre de cuisine, d'ailleurs, qui s'intitule « Cuisiner avec des couilles ». Et non, ce n'est pas une façon de parler. C'est viril, là. Ah non, c'est des couilles. Okay. Ouais, c'est donc, pas une coquille. On parle ici vraiment de cuisiner avec des testicules. Le livre inclut ses recettes préférées, comme la pizza aux testicules, les testicules panés. Les ingrédients de la pizza, par exemple, incluent fromage, oignon, poivron, bacon et testicules de taureau. Ah, okay. C'est une pizza italienne avec des couilles serbes, explique Erovic. Les testicules les plus savoureux sont probablement celles de taureau et d'étalon, quoique chacun a ses testicules préférés. Toutes les testicules se mangent, sauf celles des humains, bien sûr, et que ça sonne comme un défi. Ouais. Hey, c'est vrai. C'est même pas gagné. Ben, de toute façon, ça a déjà été fait. Il y a un Allemand qui a fait de la prison pour ça, là, ou un Belge. Pour avoir mangé les testicules de quelqu'un. Non, c'était un pénis. C'était pas les. Ben, il était qu'à manger la bite. Je sais pas, des fois. Sûrement que c'était son dessert. Mais sûrement qu'il savait que c'était pas bon. Des fois, quand j'écoute la porn, les filles, ils mangent toutes les testicules. Oui. C'est pas dans ce sens. Je ne crois pas que cela compte. Sinon, Benoît Bruno change de sujet vite. Ouais. Tant qu'Israël fasse un malheur. OK. Une autre nouvelle. Réanimer un ancien organisme est quelque chose de notable. Et l'utiliser pour faire de la bière est nécessairement 70% notable. Raoul Cano, un scientifique pour la Polytechnique de l'Université de Californie, a découvert une levure de 45 millions d'années de vieille à l'intérieur d'un morceau d'ambre. Le morceau contenait plus de 2000 types d'organismes microscopiques. En activant l'ancienne levure, Cano brasse maintenant plusieurs barils de pale ale et de bière de blé par année. La bière goûte paraît surprenamment bon, pardon. Elle a reçu de bonnes critiques de tous les festivals et des magazines de bière. Le verdict général, elle est douce et épicée. Eh bien. Oh ben, ouais, c'est fou. Ah, avec l'Octoberfest pis tout. Pis tout. Oui, il y a des liens partout. Thématique beer. Pis là, tu parles d'un band. Ah ouais, je vais parler d'un band. On va parler un peu de. Ben, je vais en parler un tout petit peu. C'est Half-Baked, en fait. C'est des chums à nous autres. Pis là, ben, ils ont sorti leur quatrième album. Pis ils font de la super bonne musique. Fait que moi, je me suis dit qu'on pourrait passer leur musique, de leur nouvel album qui vient juste de sortir. On pourrait aussi peut-être les inviter bientôt. On pourrait peut-être même les inviter bientôt. Hey, ouais. C'est malade. Fait qu'on va avoir Half-Baked et puis la deuxième tour qui s'intitule This is how you become a dinosaur. Ouh, fait qu'on écoute ça. Pour boire de la bière, Jonas. Ouais, sûrement. Ça a été mal. Il n'y a aucun dinosaure qui a bu de la bière, Jonas. Ouais, c'est peut-être ça qui a été leur déclin. Half-Baked. Ouais, mais c'est correct parce qu'on l'a arrêté parce qu'il faut aller vers le film. Le film, c'est American Cyborg Steel Warrior ou Le Terminateur contre le dernier des Mohicans. Ça, c'est le tagline, hein? Ouais. C'est pour nous donner le goût de l'écouter, ça. C'est ça. Mm-hmm. Oui. Après la guerre mondiale nucléaire de la troisième apocalypse nucléaire mondiale, l'humanité est dirigée par le système. une intelligence artificielle qui régule tout sur la Terre. Plus pour longtemps, car toute l'humanité est rendue stérile à cause des radiations de la guerre mondiale nucléaire, de la troisième apocalypse nucléaire mondiale. Toute? Non. Non, mais non. Car un prétexte pour une chasse à l'homme de 90 minutes est en train de grandir dans un laboratoire secret grâce à un sio d'ovule présenté sous forme de femelle. À partir de là, ben, un poupon de 4 ans peut facilement deviner le scénario. La fille perd tout son monde, toute l'équipe, tuée par un cyborg moustachu qui a recyclé les pantalons que David Bowie a portés dans labyrinthe. Le héros antipathique que le destin met sur le chemin de la dernière fille avec des ovules. Le héros refuse. La fille achète le héros avec de l'argent. On se découvre un punch moraliste qui vient mettre de la transférer la motivation du héros du gain matériel à la cause personnelle. Ajoutez à ça des effets spéciaux. Spéciaux. Et vous avez un long métrage qui se mérite 2 sur 10 sur IMDb ou moins 6 chez nous. Là, on était rendu. La fille se sauve du laboratoire attaqué par le cyborg moustachu. Tout son monde crève. Elle est seule dans les rues de la ville dont on ne connaît pas le nom. Play. Elle est attaquée par un condamnant. Comme c'est joli, ça. Wow. C'est gentil de nous rendre visite. Bon, bah, mais... ça a pris 20 secondes. Là, elle était seule 20 secondes. Je n'en crois pas mes yeux. Les dieux me remercient et m'envoient ce trésor. Écoutez, je suis poursuivi par un cyborg. Et s'il arrive, il tuera tout le monde. Alors laissez-moi passer. Reste là. Quelle est ma ligne? Mais je le suis encore plus que toi. Tu sais que je trouve ton sac adorable. Je ne serais pas surpris que tu y aies planqué des cadeaux merveilleux. Et voilà, ça commence à chicaner. Pendant ce temps-là, le héros arrive. On va voir ici. Et oh. le héros qui le pof. Il y a comme une lumière en arrière de lui là, pour le mettre en contre-plongée de façon plus impressionnante. Bien que le système domine ce monde post-apocalyptique, les survivants humains ont quand même réussi à se regrouper en bandes barbares. Vous trouvez ça sublime? Ouais. C'est vraiment une très belle leçon d'adaptabilité, je pense. Ouais. Bravo, Jean-Rumain. Oui, c'est ça. Et puis, ben là, Joe Lara est en train de faire le ménage à la bande qui doit être un petit peu l'équivalent mélange drag queen, village people. Là. Ils ont la très viril. Sorti directement du film Les Variants. Ou de chi, peut-être. Fin du combat, on écoute. Toi et tes copines, je ne veux plus vous revoir sur mon chemin. T'es mignon, mais je t'encule. C'était quoi ça? C'est du langage. Trouve quelqu'un d'autre pour ça. Je suis hétéro. Non, Joe Lara, je pense pas qu'il ait déjà joué un rôle autre que celui du viril qui est au-dessus de tout. On va l'écouter ici, vous allez voir, c'est beau. La graveur. Qui es-tu? Un type quelconque. Qui récupère ce qui lui appartient. Tu y vois un problème? S'il te plaît! Quoi? Peux-tu m'indiquer le chemin pour aller jusqu'au port? Le port? Mais tu es cinglé ou quoi? C'est de l'autre côté de la ville. Jamais tu n'y parviendras. Jamais. Je pense que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Attends, c'est une question de vie ou de mort. De nos jours, tout est question de vie ou de mort. Peut-être, mais... Laisse-moi maintenant. J'ai du boulot qui m'attend. Et donc, Joe Lara qui se permet de laisser la femelle là derrière elle. 1, 3, 7, 8. Rappelez-vous que le système est votre ami. Aidez-le et il vous aidera. Signalez les comportements suspects. Ne laissez pas les traîtres nuire à votre bonheur. Étienne? Oui. On va sortir du post-apocalyptique futur pour aller se plonger dans l'Allemagne présente? Oui. Tout aussi apocalyptique que par moment. En fait, tiens, je sais que je suis arrivé en retard et que j'ai pas le droit de demander ces questions-là quand j'arrive en retard, mais c'est un spécial Oktoberfest, exactement. Ah, ok, c'est ça. Tout compris, tout de suite. Je me demandais si c'était allemand ou Oktoberfest. C'est plus Oktoberfest, mais évidemment, ça se passe surtout en Allemagne, mais c'est ça. J'avais commencé à montrer qu'aux États-Unis, ils ne sont pas en reste quand c'est le temps de faire de la polka. Ils peuvent en faire sur du banjo. Et ils sont également capables de faire du yodel polka au Tennessee. J'ai une chanson de Slim Whitman ici qui le prouve. Slim Whitman, on se rappellera, c'est celui qui a créé la chanson qui fait exploser les têtes des extraterrestres dans Mars Attacks. Ouais. Oh, oui. Qui cool. Était cette chanson aussi. Alors, s'il y a des extraterrestres qui nous écoutent, on est désolé. Ben, martiens, en fait. Oui, ça prend les martiens précis, oui. Donc, lui, il avait fait ça et il a également fait sa petite toune de Yodel Polka, Tennessee Yodel Polka. Accompagné ici de Virginia Lee, que je ne connais pas. Hein? Fait que l'Oktoberfest, là, ça peut se fêter ailleurs qu'en Allemagne. On peut l'adapter. Même au Canada, on est capable. Le groupe Canadian Brass a fait un super succès qui s'appelle Tuba Polka. Cool! Regardez-moi ça. Hein, c'est joli, n'est-ce pas? C'est noble. Ça sonne mieux qu'avec la voix. Oui, c'est mieux comme ça. Puis sur la pochette de l'album, on voit un policier de la GRC sur son cheval. Évidemment, parce que si nous sommes Canadiens. Alors, n'oubliez pas d'aller voter en grand nombre. Si vous voulez pouvoir continuer. Sirop d'érable, ça aurait peut-être été plus moins représentatif. Ouais, ça aurait été trop québécois, là. Si tu parles Canada, là. Donc, sinon, pour revenir un peu à l'Allemagne, j'ai une magnifique version de la super chanson, super tube, super puissance de Céline Dion, My Heart Will Go On du Titanic, mais c'est la Drunken German Polka version. Donc, c'est excellent. Oh non. C'est vraiment beau. Donc, c'est des gars sous allemands avec un accordéon qui chantent comme ils le peuvent ce magnifique succès touchant. Pour l'instant, c'est surtout l'accordéon qu'on entend. Ouais. Mais vous allez voir. Avait remarqué. Cool! Et voilà. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Personnellement, moi, je l'aime beaucoup mieux que le go on. C'est un autre tour de chapelle. Attends, le refrain! Ouais, faut se rendre au refrain. On va chanter tous en chœur avec les Drunken German. Céline officiellement. Non, c'est pas elle qui l'a composé. Ça en deux, ça. Donc voilà, ça nous ramène un peu en Allemagne. Il va falloir la refaire du fossé passé. Juste à côté de l'Allemagne, il y a l'Autriche. Et en Autriche, il y a DJ Ötzi qui chante également en allemand. Une petite toune qui est bien loin de la polka qui s'appelle Burger Dance. Il fait plein de bonnes affaires, DJ Ötzi. Mais Burger Dance, c'est bon. C'est un nod au fast-food américain, mais chanté en allemand sur un beat dance. Alors, on a de la cornemuse en intro. Comment ça peut être bon avec la cornemuse en intro. On sait que tu vois une fausse foule. Puis là, lui, il s'exclame comme ça à la foule. Et ce qui est bien, ben, c'est que le refrain, c'est juste des noms de fast-food américains. Regardez, ça commence par le refrain. Et voilà. Donc ça, c'est très bon. Moi, souvent, quand je cours sur mon tapis roulant dans mon sous-sol, j'écoute et je chante à tue-tête de Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken. Ça aide à courir plus vite. On veut comme se sauver du son. Hey, je pense qu'on va passer à une autre étape. Tu vas revenir faire un petit dernier bloc tantôt. Tout à fait. Pour l'instant, Bruno, est-ce que tu as des nouvelles? Ben oui. Pour nous prouver que notre race est tellement meilleure que les autres. Ben oui, ben oui, hein. Ben oui. Justement, il y a la police d'Israël. En parlant de race meilleure que les autres. C'est moi, ça. La police d'Israël qui a développé une nouvelle arme contre les manifestants qui devrait être. T'attends-tu d'ailleurs? Ferme son micro. Donc, la police d'Israël. La pilule est passée. C'est moi, ça. Qui a développé une nouvelle arme contre les manifestants qui devrait être moins létale que les balles en plastique. Il s'agit d'un liquide appelé le skunk qui est déployé à partir de canons à eau. Imaginez, mettons, là, la pire odeur que vous avez jamais sentie, une mixture saumuréenne de viande avariée, de vieux bossal et d'un égout à ciel ouvert. La personne couverte par ce liquide ne pourra pas s'en débarrasser pour au moins 3 jours. La mixture est faite principalement de levure, de bicarbonate de soude et d'ingrédients organiques secrets. Oh, comme le Kentucky Fried Chicken. Et c'est totalement sans danger, affirme David Ben Harosh de la police d'Israël. On peut même en boire. Ah oui. Ah. Ouais, avoir une bonne haleine. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a essayé. C'est moi, ça! C'est toi. Ça qu'on sentait. C'est vrai. On sentait la police d'Israël. La police d'Israël, c'est ça qu'on sent. C'est quoi, t'en as-tu un autre? Ouais, je peux vous en, vous en pousser un autre. Amon Shia, de 37 ans, qui vient de terminer de lire le Oxford English Dictionary d'un bout à l'autre en un an. Dans son nouveau livre intitulé « La lecture du Oxford Dictionary », un homme, un an, 21 730 pages, il avoue avoir eu des périodes de dépression et de découragement. Et il se souvient d'eux alors qu'il était à la lettre N, et d'un autre lorsqu'il était rendu au début des 400 pages dédiées aux mots commençant par les lettres UN. Se dire qu'il ne reste que 350 pages de mots en UN n'est pas vraiment une grande motivation, affirme-t-il. Je me demandais parfois pourquoi j'avais commencé ou même si j'avais perdu la raison. Mais c'est une excellente lecture, beaucoup plus prenante, agréable et émouvante que l'on pourrait croire d'un ouvrage non narratif. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon. Mais c'est vrai que quand t'es rendu à UN, t'sais, si t'arrêtes là, t'es encore la plus pourrie que t'sais. J'ai lu jusqu'à UN dans la dictionnaire. J'ai pas été capable de finir. Après ça, j'ai plus le choix, là, après. Là. T'es un loser. C'est quoi, ça? Il a planifié commencer la lecture du dictionnaire. Fait que là, il a écrit un livre. Il s'est dit, j'ai rien à faire pendant un an. Moi, le dictionnaire, moi, écrire un livre là-dessus. Son livre, c'est quoi? Il résume le dictionnaire. Je pense que c'est un livre en plusieurs volumes. C'est en 20 volumes, 21 730 pages, 53 millions de mots, à peu près, quelque chose de genre. Mais en même temps, tu sais, s'il l'a pas lu au complet, qui va l'ostiner? Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il a pu skipper là, des plages. Ah, oui. Ouais, tout le monde c'est... qui a posé des questions pour vérifier. T'en souviens pas, le rendu, le tel mot. Là. Après ça, tu sais, il peut utiliser des mots qu'on connaît pas. Ouais. Oui. Qui servent à rien. Vu qu'on les connaît pas. Et le nouveau mot du jour, redingote. Manteau de fif. Bucrute. Espèce de trench coat. Trench coat médiéval. Bucrute. Dégueulasserie qui sèche sur le bord du ketchup. Hey, moi, on m'a lancé dans le dernier bloc de mon super movie. En fait, je vais pas trop parler du movie, là. Je vais parler de l'autre expérience cinématographique que je vais offrir au monde du brouhaha ce soir. Incroyable. Douteux.org est très fier de dévaluer la valeur du show de Dominique et Martin en l'offrant gratuitement au brouhaha ce soir. À des fins de questionnement. À des fins de questionnement. Donc, Dominique et Martin, jadis, quand j'étais encore capable d'écouter la TV, on avait les mercredis de l'humour à toutes les semaines. L'expérience commençait en Lyon à 18h avec CNM. CNM, ça devait s'appeler les Gingras Gonzalez au début. Ça devait être le cocasse Pierre Houd, Paul Houd, pardon, qui anime le show. Mais devant le désastre en construction, Paul Houd s'est éjecté. Il s'est éjecté parce que c'était pas assez drôle pour lui. Lui étant Paul Houd. Mm-hmm. Ça me donne une idée. Hein? C'est ça. Martin Petit prit la barre du désastre et l'autre... l'humoriste Patrick Groulx a commencé là à la TV. Après CNM, c'était Dominique et Martin, suivi des mecs comiques. Ah, puis d'ailleurs, Patrick Groulx, il a gagné l'Olivier de la recrue de l'année 5 ans après avoir joué dans CNM. Ah oui, oui. Ouais, c'est ça, c'était la recrue de l'année 5 ans après avoir été dans CNM. Donc, ces derniers, c'était Dominique et Martin, suivi des mecs comiques, comme je disais. Ces derniers sont responsables de la moins bonne blague de laquelle j'ai souvenir. Un téléphone sonne, Alex Perron répond. « Bonjour, prévention du suicide, laissez-nous vous achever. » On transférait ensuite de TQS à TVA pour le doublé kilomètre-heure et histoire de filles. Tout un mercredi. Ouais. Chaque mercredi. Puis ben, de tout le lot énoncé plus haut, c'est sans contredit Dominique et Martin qui ont le plus continué à gruger de l'espace média qui ne leur revenait pas. Ce soir, après le douteux choisi au douteux.org, on va être témoin de 79 minutes d'immondices. Ouais, ben c'est bon, Dominique et Martin, il y en a un qui est gros. Ouais, 79 minutes de gros qui dit au gros qui est gros, de gros qui dit au petit qui est petit, de petit qui dit au gros qui est gros, ou de petit qui dit au petit qui est petit. Nous, ça va rien nous coûter en dollars. Contrairement aux 2308 personnes qui ont loadé le Métropolis à 42 piastres le billet pour aller les voir pendant ce show-là, sans compter les autres représentations. 42 piastres fois 2308, ça fait 96 936 $. Soit ce que le Club des petits déjeuners du Québec a besoin pour nourrir 4000 enfants affamés dans 40 écoles du Québec en deux semaines. Ça, c'est le même nombre de déjeuners que Martin peut manger. Ah! Il est gros. Ceux qui croient que le douteux... Ceux qui croient que la publicité, les médias douteux en général ne les touchent pas, je vous apprends qu'on est en train de prioriser l'abrutissement de notre relève beaucoup plus que de les gaver pour leur donner des outils pour réussir. On est vraiment sociaux. T'es engagé, Tony. Tabarnak, dimanche matin, d'écouter ça, au moins. Première écoute à frette en faisant le ménage, j'ai bavé partout. Deuxième écoute. Fait que là, fallait tout à refaire le ménage. Deuxième écoute à refaire le ménage. Après ça, je me suis dit, OK, on s'assoit. Là, j'ai fait un panneau. Là, je l'ai divisé en quatre cases. Gros dit gros gros, petit dit petit petit, petit dit gros gros, petit gros dit petit petit. 101 blagues. T'as comme fait des statistiques. Qui ont rapport à leur apparence physique, vierge. Sur deux qualificatifs, là. Là, ils se vendent des fois en entrevue, ils disent « Nous, notre différence, c'est que des fois, on rit de notre propre physique. Oui. » C'est ça, tout le nom de famille Carré, tu sais. Peut-être que c'est parce que leur ancêtre avait la tête carrée. Ouais. Là, ils l'ont appelé Carré, c'est devenu son nom de famille. Il a accepté parce qu'il riait de ses propres capacités physiques. Chris, ils ont rien inventé, man. Bon, je suis en train de partir, mais on va garder ça pour tantôt. Ouais, calme-toi. Ouais, pour l'instant, là, on va écouter un petit bout ici de Joe Lara face au cyborg d'acier. Là, on va comprendre c'est quoi les motivations de Joe. Il veut de l'azote PX en tablette. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Oui. Ouais. Tu t'en sors? Comment ça se passe, la vie, pour toi? Aussi bien que pour une merde dans des chiottes. J'ai quelque chose pour toi. Je crois que ça devrait te plaire. Ah, tu les as trouvés où? À l'endroit où je les ai cherchés. Je rêve d'un bon cigare. Je suis prêt à payer beaucoup si tu en trouves un. T'entends? À propos, combien tu veux pour ces batteries? 3 comprimés d'AZB. Pièce? Ouais. Mon tarif, c'est 4 batteries par comprimé d'AZB. D'accord. De quoi tu parles? Très bien, j'accepte 3 pour 2 et dès demain, je t'amène un cigare. Non. 3 pour 1, je peux pas donner plus. Je t'offrirai autant d'AZB que tu veux si tu m'aimes. Qui est cette poufiasse? Ok. Je vais dévaluer l'AZB. Je te permettre de venir c'est faire business chez moi. Qu'est-ce que tu comptes donner en échange à Monsieur HB? Toi! Ouais, c'est spécialement, c'est le cyborg. Enfin, ça vient d'un autre film, ça, que t'as participé à accident. C'est ça, c'est un mauvais film. Non, mais ça fait, je pense à ça, ça fait exactement comme dans le laboratoire tantôt. Il est en train de parler, puis là. Il y a un cyborg qui est rentré. C'est ça. Tout le monde. C'est le même. Il dit je veux la femelle. Vous n'êtes pas le seul, mon ami. Il y en a beaucoup qui voudraient cette fille. Elle est exquise et plutôt excitante, hein? Et fertile. Je peux vous la prêter, mais vous, qu'êtes-vous prêt à offrir en échange, hein? Cool. Et voilà. Et voilà. Et là, c'est sa réponse. On l'avait promis. C'est ça. Ben, le cyborg moustachu a mieux pas trop dépeigner sa moustache. Ouais. On ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie jamais. Donc, ben, c'est pas mal la fin des extraits pour ce film-là pour aujourd'hui. On va repluguer ça. Et nous, on va le voir tantôt. Bruno, ben as-tu une dernière nouvelle? Ok, je vais trouver toi, ça. Toi, Étienne, prépare une dernière toune. Ça va être ton glas final de la douleur ultime. D'accord. Mais ben, il y a Greg Lenoir qui aime vraiment son chien Jake. Alors, lorsque Jake, est sauté dans l'eau pour nager et qu'il s'est fait attaquer par un requin, Greg est sauté à l'eau et a frappé le requin jusqu'à ce qu'il lâche son chien. C'était comme frapper dans du béton, a-t-il affirmé. Après plusieurs coups, le requin a donc finalement lâché prise et le chien s'en est sorti avec des blessures mineures. Yeah! Ça intéresse. Ça finit bien. Ouais. Ah ben Colin, place qui court sur la plage. Il court sur la plage. Il est allé tabasser le requin. Oui. Je sais pas s'il sacrait après en disant. Une petite dernière ou c'est fini? Ah, c'est fini. Alright, ben merci beaucoup Bruno. Étienne? Oui, eh bien moi ici en terminant, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Châtelaine qui chante au Saint-Hubert à Charlemagne sur la rue Céline Dion qui a pas le droit de s'appeler de même. Là. J'en avais parlé il y a fort longtemps. Ouais, ouais, ça dit quelque chose. C'est elle qui chantait ceci. Oups, j'ai plus de son. Pourtant, il est parti mon gars. Ah, c'était moi. Alors, je chantais corps à corps avec toi. Une chanson sur l'amour libre en 78. Eh bien, j'ai la version allemande de ça par Tony Marshall qui s'appelle Tanze Samba mit mir, qui veut dire danse une samba avec moi. Donc, c'est un petit peu moins à tendance sexuelle, oui, mais ils sont plus propres. Mais c'est fort joli. Pendant que ça joue, on va dire merci à tout le monde. C'était 70%. Merci à tout le monde. Oui, merci beaucoup. Et l'émission Radioscopie à Choc FM. Choc FM. Choc FM. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Merci, Etienne. Und heute verbrenne ich mich daran. Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt rings umher vergisst. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebe. Je ne comprends pas. Comment expliques-tu qu'il te court après? J'ai quelque chose qui l'intéresse. Quoi? De la ZB en tablette. Où as-tu trouvé ça? Je travaille dans un laboratoire qui en fabrique. Mensonge. Un cyborg ne te poursuivrait pas pour ça. Dis-moi ce qu'il te veut. Il y a une cargaison qui arrive d'Europe. Si je vais au port, c'est pour la réceptionner. D'Europe? Il n'y a plus de contact avec l'Europe. On en a établi un par radio. Et tu espères me faire avaler que c'est toi qu'on a choisi pour une mission de ce type? Pense ce que tu veux, mais je n'ai pas de temps à perdre. Tiens, voilà un acompte. Quand on sera au port, tu pourras en prendre autant qu'il te plaira. Tu dis que le temps presse? Je dois y être dans moins de 30 heures. Je m'appelle Austin. Marie. En route. Le système travaille. Notre laboratoire est appelé 631. On va passer par les égouts. C'est le plus court chemin pour rejoindre l'océan. Les dames d'abord. Allons-y. Fais attention où tu mets les pieds, ces galeries sont minées. On a quelle distance à parcourir? 16 kilomètres. Si on n'est pas trop retardé, on y sera à temps. Tu y allais combien de fois? Une seule. Et c'est comment l'océan? Grand et bleu, c'est tout ce dont je me souviens. Pourquoi tu n'y es jamais retourné? Parce que je tiens à la vie. Le port est de l'autre côté de la barrière. Si on t'y trouve, on t'élimine. Je ne prends pas le risque de mourir pour un bain de pied. Mais pour la ZB, tu le prends. J'ai dit que je t'emmenais au port, pas qu'on allait faire trempette. La chaîne principale de la radio web de l'UQAM, vous écoutez en direct l'émission du 6 octobre 2008 de Radioscopie, le grand magazine de Choc FM. Au menu à Radioscopie en cette période croustillante d'élections, je débat, nous débattons, ils débattent. Quels élèves se mériteront un siège au conseil d'administration de l'UQAM? Les réponses avec Daniel Blanchette-Pelletier. Comment je suis tombée amoureux de Stephen Harper? Une chronique d'Antoine Desjardins. Catherine Contant-Virouvert, entrevue avec un candidat du Parti vert. Non aux politiques.